nawa wallahi ana wurbene ele mali hanne bina dawa bandele zamme ore je me bo ngorada baje me bo pamde de anye konanda jawde do je Do mene dam mene den no fo koe bede kinan leperan mana tezani bebe mali kai be kebe fa mo mo to dem biende kiso dem balle fo dem badi mo se jamanu. Kenne magole o wallahi bali me ya reso ai be ke be fa mo mo to den binde yeso den balle fo den badi mo se jamanu me Allah jange jane woni na pale de malende Yesu ka be sabi Allah golen gole woni na pale de malende Sabi Allah jange jande woni na pale de mali de Yanda wani na pale de mali je wala wani na pale de mali je suka be sabi atagole kole wani na pale me